Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le discours de Pierre-Elliott Trudeau devant le Congrès américain le 22 février 1977. Je me réjouis comme parlementaire d'avoir l'occasion de prendre la parole en cette enceinte historique où tant de vos grands hommes d'État se sont illustrés. Votre accueil si généreux, si chaleureux, confirme ce que j'ai toujours senti, que le Canadien aux États-Unis est chez des amis. Le 22 février 1977, le premier ministre du Canada, Pierre-Elliott Trudeau, s'adresse au Congrès américain. Un mois plus tôt, c'est le premier ministre du Québec, René Lévesque, qui était de passage aux États-Unis à l'occasion d'un discours devant l'Economic Club de New York. Ces deux discours suivent de près l'élection du Parti québécois le 15 novembre 1976. Ce jour-là, les Québécois ont élu un parti indépendantiste qui s'est engagé à tenir un référendum sur la souveraineté du Québec au cours de son premier mandat. C'est donc dans ce contexte politique bien particulier que Pierre-Elliott Trudeau débarque à Washington en février 1977. À la suite de l'élection du Parti québécois en 1976, le premier ministre du Canada, Pierre-Elliott Trudeau, a discuté avec Washington de ses plans pour saboter l'économie du Québec afin de nuire au gouvernement de René Lévesque. Les documents révèlent que Trudeau a demandé au milliardaire Paul Desmarais qu'il déplace des opérations et investissements ailleurs qu'au Québec dans le but d'y faire doubler le taux de chômage. Il a invité Desmarais à rendre les choses, et je cite, « aussi difficiles que possible pour le Québec ». Le premier ministre du Canada a manigancé contre l'économie du Québec dans l'intention avouée que des Québécoises et Québécois perdent leur emploi. Pierre-Elliott Trudeau s'est déshonoré. Le Québec en prend acte et s'en souviendra. La raison pour laquelle les archives sont intéressantes et qu'elles sont gardées confidentielles pendant des décennies, c'est qu'elles recèlent des petites bombes comme ça qui, lorsqu'elles sont révélées au public, deviennent des controverses politiques. Ce qui est intéressant avec les deux notes diplomatiques, d'abord, c'est que Enders est un diplomate de très grand calibre. Il rapporte très fidèlement ce qu'il entend à ses supérieurs au département d'État. Donc, c'est une source absolument parfaite. Et donc, il l'a de deux sources. Pierre Trudeau lui dit « Je jongle avec l'idée de faire mal économiquement au Québec. Évidemment, ça peut se retourner contre nous. » Et Paul Desmarais vient lui dire, ben, Trudeau vient de me demander de tout faire pour nuire à l'économie du Québec. Et c'est Paul Desmarais qui dit, ben, notre idée, ce serait de faire passer le taux de chômage de 10 à 20 Bon, donc, il n'y a aucun doute que ces conversations-là ont eu lieu, que cette discussion stratégique-là a eu lieu, y compris avec donc, quelqu'un qui était très important dans l'économie du Québec, Paul Desmarais. Mm-hmm. Alors, la question, c'est, est-ce qu'ils l'ont mis à exécution? Extrait de l'émission 24 heures en 60 minutes du 23 février 2021. Vous y avez entendu le député du Bloc québécois Stéphane Bergeron, suivi de l'ex-député et ex-chef du Parti québécois Jean-François Lisée, qui a aussi été correspondant à Washington et qui s'intéresse depuis très longtemps à la politique américaine. Les deux hommes, vous l'avez entendu, réagissent aux révélations de nos collègues du Réseau anglais de Radio-Canada au sujet de notes diplomatiques qu'aurait fait parvenir au département d'État américain Thomas Enders, l'ambassadeur des États-Unis à Ottawa au milieu des années 70, à propos de cette intention d'Ottawa et du gouvernement Trudeau de nuire économiquement au Québec pour affaiblir le PQ de René Lévesque et l'idée d'indépendance du Québec au lendemain de l'élection du Parti québécois en novembre 76. Pour nous parler de ce contexte politique très tendu qui suit l'élection du Parti québécois en 76, pour revenir aussi sur ce discours à certains égards historiques que va tenir Pierre-Elliott Trudeau devant le Congrès américain en février 1977, j'accueille Éric Bédard, il est professeur d'histoire à la TELUC. Éric a été le tout premier invité d'Aujourd'hui l'Histoire le 14 septembre 2015 et je tenais à ce qu'il soit ici pour ma toute dernière émission à la barre de l'émission. Éric Bédard, bonjour. Oui, bonjour et c'est un honneur pour moi. Merci d'avoir accepté de ce petit clin d'œil, de boucler cette boucle avec nous aujourd'hui, oui. Éric. Donc, revenons sur ces révélations de nos collègues du Réseau anglais de Radio-Canada qui remontent à février dernier. Ça en dit beaucoup, puis c'est un petit peu le point de départ de cette idée d'émission pour vous, mais ça en dit beaucoup, ces révélations-là, sur le climat qui régnait à Ottawa au lendemain de l'élection du Parti québécois de René Lévesque le 15 novembre 1976. Et c'est vraiment ça qui vous a ramené à ce discours dont vous voulez nous parler de Pierre Trudeau, devant le Congrès américain en février 1977. En effet, dans ses mémoires, Pierre Elliott Trudeau nous dit qu'il était presque soulagé que le Parti québécois soit élu, puisque enfin l'ennemi serait à découvert. On pourrait enfin avoir le débat tant attendu entre tenants du fédéralisme et tenants du souverainisme. Ça, c'est le discours qu'il tient dans ses mémoires, mais on a l'impression que c'est la panique dans les instances fédérales après l'élection de novembre 1976. Donc, saboter l'économie du Québec et nuire à ce projet, enfin discréditer ce projet sur la scène du monde, c'est ce qu'il fera devant les congressistes américains en février 1977. Puis avant de parler davantage de ce discours de février 1977 de Pierre Trudeau devant le Congrès américain, un petit mot d'abord sur l'état des relations, Éric Bédard, entre le Canada et les États-Unis, entre le premier ministre Trudeau et son homologue, le président américain, à ce moment-là, donc fin 76, début 77. Oui, en effet. Alors, écoutez, Pierre-Éliott Trudeau, contrairement à, par exemple, à Brian Mulroney, n'a jamais accordé une très, très grande importance à la relation avec les États-Unis. Il ne s'intéressait pas beaucoup à la culture américaine, à la vie intellectuelle américaine. Il avait plutôt une sorte d'indifférence. Les chercheurs, les spécialistes disent que la seule chose qu'il connaissait assez bien, c'était le cinéma d'Hollywood. il avait eu aussi des relations assez tendues avec le prédécesseur de Jimmy Carter, qui était Richard Nixon. Les deux avaient été élus la même année, en 1968, et Nixon avait pris une série de décisions qui avait un peu heurté le Canada, évidemment la guerre au Vietnam, mais aussi un nouveau protectionnisme au début des années 70. Ça avait un peu envenimé les relations. Et au plan personnel, Nixon et Trudeau étaient sur deux planètes. C'était un peu la relation inversée qu'avaient eu Diefenbaker et Kennedy, c'est-à-dire Nixon qui voyait Trudeau comme un gauchiste, un liberal, comme disent les Américains, mm-hmm. fils à papa, et ça n'allait pas bien. Alors qu'on a, avec Carter, une nouvelle ère qui commence. Et Carter est tout à fait sensible parce que est sensible à l'enjeu qui secoue le Québec, qui secoue le Canada, puisque lui-même est un homme qui vient du Sud. Oui. En fait, Jimmy Carter est le premier véritable président élu qui vient du Sud. J'exclus Lyndon Johnson, élu un peu après les contre-coups de l'assassinat de Kennedy, mais Jimmy Carter était un ancien gouverneur de la Géorgie, et il était vraiment marqué, comme tous les Américains, par cette guerre de sécession qui avait tant marqué les États-Unis un siècle plus tôt. Et donc, c'est un peu comme ça qu'il appréhendait, qu'il envisageait le grand débat national qui secouait le Canada lorsque Jimmy Carter arrive au pouvoir. Il présentait dans son esprit, c'était véritablement une espèce de nouvelle guerre sécessionniste qui s'annonçait au Nord, et il était donc très réceptif aux demandes du Canada d'intervenir. Oui. Et puis ça aussi, c'est nouveau dans l'équation. Vous le disiez, ça s'était plutôt mal passé entre Trudeau et Nixon. Trudeau, vous le disiez aussi, n'est pas quelqu'un qui s'intéresse particulièrement aux États-Unis. Certains l'ont même taxé d'être à certains égards anti-américain. En tout cas, cette volonté de cultiver une indépendance canadienne face aux géants américains. Mais là, l'équation change parce que cette menace de sécession, ça fait que Trudeau a besoin de Washington. Oui, exactement. Donc, on l'a dit, sous Nixon, Trudeau reconnaît la Chine avant Nixon. Il fait ce voyage à Cuba, dont nous avons d'ailleurs parlé à cette émission, alors qu'il n'y a plus de relations entre les États-Unis et Cuba. Il rapatrie des soldats européens. Il a l'air de se désengager de l'OTAN, ce qui irrite les Américains. Mais là, la situation change. Là, avec Jimmy Carter, la situation change. Et il y a cette présence de René Lévesque aux États-Unis en janvier 1977. En fait, René Lévesque, les souverainistes sont sur un véritable nuage après l'élection de novembre 1976, sont très heureux. Ils reçoivent évidemment énormément d'invitations à travers le monde parce que la nouvelle fait le tour du monde. Et la première invitation importante au plan international que reçoit René Lévesque, qu'il va accepter, c'est celle de faire un discours important devant l'Economic Club de New York. Le 25 janvier. C'est un discours. 77. Exactement. Oui. On va écouter un extrait de ce discours-là, mais juste avant, il faut vraiment, encore une fois, bien comprendre les choses. Tout part de l'élection du 15 novembre 1976, élection d'un gouvernement souverainiste à Québec, engagement de la tenue d'un référendum sur la souveraineté dans le premier mandat de ce gouvernement de René Lévesque, ce qui fait que, à la fois, Pierre Trudeau, il fera son discours au Congrès en février 77, et René Lévesque, qui fait son discours devant l'Economic Club de New York le 25 janvier 77. Tous les deux sont en offensive diplomatique auprès de Washington. On écoute Absolument. Un extrait du discours de René Lévesque. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard Dorin à Montréal. Vous venez de voir une image en direct en provenance de New York, de ce fameux Economic Club, ce bastion du capitalisme. Ça, c'est l'expression qu'a utilisée le très sérieux Wall Street Journal dans l'article qu'il a consacré hier à la visite à New York du premier ministre du Québec, M. René Lévesque. La question qui importe, pour moi, celle qui doit préoccuper tous ceux qui portent intérêt au Québec et au Canada, ce n'est pas de savoir si le Québec deviendra ou non indépendant, ni même de savoir quand il deviendra indépendant, mais de connaître comment les Québécois assumeront la pleine maîtrise de leur vie politique. À ce propos, je crois que le passé augure bien de l'avenir. D'une part, et ceci ne change pas, les Québécois sont traditionnellement déterminés à procéder au changement et surtout au grand changement lorsqu'il s'impose en recourant uniquement et strictement aux voies démocratiques. Dans ce sens, l'élection récente se préparait depuis longtemps et l'illustre bien. Toute notre histoire est là pour démontrer que les Québécois n'aiment pas bousculer les choses à la hâte, pas plus qu'ils n'aiment être bousculés eux-mêmes. Alors, ce discours qu'a prononcé hier soir le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, devant les membres de l'Economic Club, a suscité des réactions d'étonnement dans les milieux d'affaires américains. Le discours très clair de M. Lévesque, qui a rapproché l'indépendance du Québec de l'indépendance des États-Unis américaines, n'a pas créé la moindre ambiguïté, mais il a surpris son auditoire et choqué les investisseurs canadiens, anglais et américains. D'ailleurs, en voici un exemple. Premier Lévesque's speech tonight before the Economic Club was the most seditious speech that's ever been made in the United States since prior to the Civil War. Le discours de René Lévesque ce soir au Economic Club était le discours le plus séditieux jamais prononcé aux États-Unis depuis la guerre civile. Il a essentiellement parlé de séparation et n'a accordé aucune reconnaissance à ce formidable pays qu'est le Canada. Il n'a rien mentionné de tout ce que le Canada a pu accomplir au cours des 100 ou 200 dernières années. The great country of Canada for what Canada has done during the past 102 or 3 years. None whatsoever. All he spoke about was Quebec, Quebec. Tout ce qu'il avait à la bouche, c'était Québec, Québec. Mais le Québec fait partie du Canada, tout comme n'importe quel État américain fait partie des États-Unis. Quebec's part of Canada, just like any state in the United States. Ah, c'est un extrait du discours de René Lévesque que vous venez d'entendre. Oui, ça fait sourire la réaction de l'homme d'affaires. Mais donc, René Lévesque d'abord, le 25 janvier 77. Et puis, donc, vous venez de l'entendre, cet extrait présenté au ce soir, à l'émission ce soir, le lendemain du discours de Lévesque, de cet homme d'affaires qui réagit vigoureusement, on va dire ça comme ça, Éric Bédard, au discours de René Lévesque. Quel bilan on peut faire, cela dit, avec le recul de cette opération, de ce qui devait être une opération de charme de René Lévesque aux États-Unis? Alors, c'est un bide, un échec total, je pense, reconnu d'ailleurs à la fois par Claude Morin, qui était le responsable de ce genre d'opération à l'époque, son ministre, et aussi même par René Lévesque dans ses mémoires. C'est un échec et Jean-François Lisée, dans L'œil de l'aigle, sa grande enquête sur les relations avec le Québec et les États-Unis, nous dit, au fond, il y a un problème autant de forme que de fond. La forme, c'est que l'attitude de René Lévesque à l'égard de ses financiers américains est une attitude un peu crâneuse, un peu arrogante. On sent que ce n'est pas sa tasse de thé, ce genre de milieu. Et René Lévesque, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il est un peu arrogant, il est un peu plus radical qu'il ne l'est en réalité devant ses hommes d'affaires, comme s'il leur disait « Écoutez, c'est à nous de décider, puis vous ferez bien ce que vous voulez. » Et sur le fond, ben là, on l'a dit, Bernard de Rome a bien résumé la chose, c'est qu'il compare l'indépendance à venir du Québec à la guerre d'indépendance qu'ont menée les Américains contre les Britanniques. Or, cette comparaison ne tient pas la route pour la plupart des Américains, puisque, à leurs yeux, le combat de René Lévesque et des souverainistes québécois est plutôt comparable à ceux des sudistes du milieu du 19e siècle qui voulaient absolument préserver leur tradition et leur mode de vie, et donc l'esclavage, forcément. Et cette comparaison, donc, à leurs yeux, ne tient pas la route. On veut briser un pays, comme les sudistes voulaient briser l'Union américaine au milieu du 19e siècle. Oui. Alors donc, c'est vraiment un échec sur toute la ligne. Et le voyage de Pierre-Elliott Trudeau un mois plus tard sera un peu la riposte. Oui, effectivement, parce qu'il débarque donc, lui, à Washington plutôt qu'à New York, et il s'adresse au Congrès américain le 22 février 1977. On écoute ce que ça donne. I say to you, with all the certainty I can command, je vous dis aujourd'hui, avec toute la certitude qui m'habite, que l'intégrité du Canada ne sera pas compromise. But Canada's unity will not be fractured. Accommodation. Revisions will take place. Les discussions auront lieu, des accommodements seront faits et nous réussirons. Accommodations will be made. We shall succeed. La ferme volonté exprimée par le premier ministre Pierre-Elliott Trudeau de maintenir la Confédération canadienne a reçu cet après-midi un accueil enthousiaste des deux chambres réunies du Congrès des États-Unis. Dans un discours consacré pour l'essentiel aux difficultés intérieures canadiennes, le premier ministre a affirmé que la sécession du Québec ne serait rien de moins qu'un crime contre l'histoire de l'humanité. M. Trudeau a toutefois reconnu que la Confédération n'avait donné jusqu'ici qu'un succès partiel, ajoutant qu'il faudrait peut-être réviser certains aspects de la Constitution pour assurer une plus grande sécurité culturelle aux Québécois. Le premier ministre a lancé un appel aux anglophones et aux francophones pour qu'ils soient plus ouverts à la richesse de la diversité culturelle canadienne. Alors, extrait du reportage de Normand Lester sur le discours de Pierre Trudeau devant le Congrès américain le 22 février 1977. Que dire, Éric Bédard, de ce fameux discours? Pourquoi est-ce un discours si important? Alors, c'est un discours important puisque, évidemment, en s'adressant au Congrès américain, il s'adresse à l'ensemble du monde. C'est une tribune unique. C'est la première fois qu'un premier ministre canadien est reçu devant le Congrès. C'est une marque de très, très grande reconnaissance et de très grand respect qu'on offre au premier ministre canadien. Jimmy Carter, donc, déroule le tapis rouge. Dans une entrevue à un journaliste canadien à la CTV, il dit bien que la stabilité du Canada est une importance capitale pour nous, Américains, mais il refuse de se commettre advenant un oui au Québec. Donc, c'est une forme de combat-revanche. Le discours va être télédiffusé en direct. C'est évidemment un discours qui est prononcé en anglais. Et c'est un discours, dans le fond, où il y a deux éléments importants à retenir. Le premier, c'est qu'il va évidemment conforter les Américains sur leur perception de ce qui se passe au Nord. Il s'agit bel et bien de sécessionnistes, donc sécession, des gens qui veulent briser l'unité du pays. Oui. Ça fait écho à ce traumatisme américain du 19e siècle. Et Pierre-Elliott Trudeau utilise cette tribune pour rabaisser, dans le fond, le projet souverainiste à un projet purement ethnique. Hein, il dit que c'est la concorde canadienne à un moment de l'histoire de l'humanité où il est impossible d'échapper au fait que le seul espoir de l'humanité réside dans la volonté des races, des cultures et des croyances de coexister pacifiquement. Alors, à ses yeux, le projet souverainiste n'est qu'un projet ethnique, peut-être même raciste d'une certaine façon, puisqu'il exclut, il veut exclure les autres qui ne sont pas de la tribu. Deuxième élément très important, là, il développe sa conception du Canada et qui est une conception vraiment messianique. Hein, c'est comme s'il nous annonce une refondation du Canada. Il nous annonce ce qu'il va faire en 1982. C'est-à-dire que le Canada est plus qu'un pays de compromis entre deux nations, qui a un peu évidemment isolé les Autochtones, comme on le sait. C'est une expérience sociale à ses yeux absolument unique, un laboratoire qui permet à des citoyens de diverses origines de coexister, de travailler ensemble. Il va faire adopter en 1973, je le rappelle, sa politique sur le multiculturalisme qui tranchait avec celle du biculturalisme, et cette doctrine d'État va être enchâssée dans la loi constitutionnelle de 1982. Donc, il présente le Canada comme une sorte de phare pour l'humanité, et donc, forcément, le projet souverainiste, en contrecarrant les grands idéaux de ce projet canadien, eh bien, engendrerait une sorte de désespoir à l'échelle internationale. Oui. Et ce discours-là va avoir, donc c'est une vision qu'il présente, et dans cette vision-là, évidemment, il dit assez clairement comment il conçoit le projet indépendantiste québécois, et ça, ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Quel écho va avoir ce discours-là, Éric Bédard? Alors, ce discours, il est extrêmement marquant, puisque là, dans la première traduction du discours en français, Normand Lester le disait dans l'extrait, là, on va parler de crime contre l'humanité au lieu d'un crime contre l'histoire de l'humanité. Donc, ça va faire bondir les souverainistes comme s'il y avait des intentions génocidaires. Mais, donc, ça va marquer les esprits et ça va permettre aux Canadiens de découvrir une nouvelle vision émergente du Canada. Ça va conforter les Canadiens dans leur espèce de supériorité morale par rapport au projet souverainiste. Et ça va conduire tranquillement à la refondation radicale du Canada avec 1982. C'est vraiment deux visions qui s'opposent et qui s'expriment, que Trudeau exprime clairement dans ce discours de Washington. C'est assez fascinant quand on y repense avec le recul. Ce qui fait qu'on peut parler effectivement d'un discours, entre guillemets, historique, Éric Bédard. C'est un discours historique puisque, ce qui est un peu paradoxal, c'est que d'un côté, Pierre-Éliott Trudeau se présente aux Québécois et aux Canadiens comme l'homme de la raison, comme l'homme qui veut aller au-delà des émotions ethniques nationalistes. Mais en même temps, il est dans un registre extrêmement émotif, celui d'un messianisme romantique, d'un Canada qui devient la terre d'accueil et de toutes les différences. Dans le fond, le premier État post-national peut-être de l'histoire de l'humanité. Il ne le dit pas comme ça. Ça, c'est une formule que reprendra plus tard son fils. Éric Bédard, il faut s'arrêter là-dessus. Professeur d'histoire à la TELUC, ami de la première heure de l'émission, je le rappelle. Merci d'avoir accepté de boucler la boucle avec moi. Vous qui avez été le premier invité d'Aujourd'hui l'Histoire, merci d'avoir accepté d'être le dernier invité que je recevais comme animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, Éric. Bien, merci beaucoup, Jacques. Et si vous me permettez de me donner un tout petit moment, je voudrais vous remercier au nom des nombreux invités à cette importante émission, nécessaire émission. Je pense à mes collègues historiens, politologues, sociologues, anthropologues, journalistes. Merci, Jacques, pour votre rigueur, votre ouverture à toutes les formes d'histoire, votre respect des invités et de l'intelligence du public. Vous vous inscrivez, selon moi, dans la belle et grande tradition radio-canadienne des Judith Jasmin, Wilfrid Lemoine, Fernand Seguin, Louis Martin. Merci beaucoup. Merci, c'est trop. C'est trop de bons mots. Merci beaucoup, Éric Bédard. Merci d'avoir été l'un des phares, l'une des lumières qui a brillé dans ces 6 années d'existence jusqu'ici d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, Éric. Merci. Merci également à tous les autres invités, à tous les autres collaborateurs de l'émission. Ils ont été importants. C'est grâce à vous que cette émission est devenue ce qu'elle est, qu'elle a eu le succès qu'elle a eu. Merci évidemment à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci à Mathieu Beauchamp, Caroline Morin, Annie Richer, Mario Bolduc, Fanny Leblanc et Olivier Lalande, à chacun et à chacune. Merci. Merci à Stéphanie Gendron et Sylvie Julien d'avoir accompagné cette émission avec bienveillance au fil du temps. Et merci à vous, surtout, chers auditeurs et chères auditrices, de votre fidélité, de vos bons mots, de ce grand attachement que j'ai senti depuis les tout débuts de l'émission. Vous aimiez cette émission, vous nous l'avez dit et répété. Merci pour ça. Aujourd'hui, l'histoire sera de retour au mois d'août. C'est Maxime Coutier qui vous y retrouvera. Bonne route à Maxime, longue vie à l'émission. Et de mon côté, je vous retrouverai également au mois d'août avec une toute nouvelle émission. Je vais vous présenter chaque semaine le parcours d'une personnalité publique avec qui je vais passer une heure. J'ai déjà hâte de vous retrouver dans ce nouveau créneau. D'ici là, je vous souhaite un bon été et je vous dis à la prochaine.